vois la vie comme dans un film d'action. À Hollywood, bête de scénario, bête d'acteur. Y'a rien de very good. J'ai pas le temps, j'graille le rap de speed. Comme un fast food, partout ça pue la merde. Et c'est pour ça qu'autant de frères boudent. Y'a que le taf qui paye. Pour l'instant, j'touche pas grand chose. Wallah, il bila, il porte les mêmes choses. Lion. Grand tel comme Big L, dégaine comme Big Daddy Ken. Pour un freestyle d'origine africaine. Tu te demandes, c'est qui là? Le philosophe jeune Kamer, a.k.a. c'est qui là? Rappeur ex-footballeur comme Roger Milla. J'ai Milla, barre haute en cette année 2001. Je concrétise sur le terrain. On joue des mondes dans les bacs pour mes beurs, mes blancs, mes blagues des souterrains. Comme dans un film d'horreur, comme une angoisse. Je bosse en silence quand tu parles trop, frérot, ça porte la poisse. À qui est, j'ai poussé un premier cri. Toujours dans le même état d'esprit. Ce n'est pas que dans le besoin que je prie. La route est longue, mais faut pas qu'on reste aigri. Laisse-moi pousser mon dernier cri. Je les étrasse par mes écrits. Laisse-moi reprendre ce qu'ils m'ont pris. Gardons la tête haute malgré nos corps meurtris. Y'a de quoi s'inquiéter. Écoute comment les jeunes causent. Bêtises humaines, on se tape toujours pour les mêmes causes. Je garde le même concept. J'ai des principes que je respecte, qu'on me suspecte. J'anticipe pour pas qu'on m'intercepte. Faut pas réveiller les dormeurs. T'as vu ma gueule dans un des clips de Tina Turner. La force vient d'en bas. Tant mieux pour toi si tes affaires marchent. Mais n'oublie jamais ceux d'en bas. C'est arrivé près de chez toi, un jeune assassiné. La cité pleure, mais combien finiront calcinés? Bassinés sans cesse, vaccinés mais sans sous. Ça me stresse, passionné du rap, mon vécu ça me blesse. Jeune du béton, fiston, laisse béton. Ton CV pour du taf, faut du piston. Sur la piste on file, le crime c'est tentant. Si t'entends des cris, c'est là qu'on t'attend. À qui est, j'ai poussé un premier cri. Toujours dans le même état d'esprit. Ce n'est pas que dans le besoin que je prie. La route est longue, mais faut pas qu'on reste aigri. Laisse-moi pousser mon dernier cri. Je les étrasse par mes écrits. Laisse-moi reprendre ce qu'ils m'ont pris. Gardons la tête haute malgré nos cœurs meurtris. Tu joues le ouf pour épater tes potes. Mais je t'ai vu refroidir comme un glaçon quand t'étais sans tes potes. Mat, même le temps se gâte, j'ai hâte que les choses s'arrangent. Les problèmes s'arrangent, alors on se range. Avec le temps les gens changent, en bio ou en mal, peu importe. Une chose est sûre, c'est que les gens changent. Étrange comme mon écriture, j'ai poussé un cri dur. Synonyme de torture, en 3 fois 16 mesures. Je viens témoigner la vérité de cette misère. Je veux m'éloigner, j'écris des textes soignés pour tous les berbères. Mes blackbirds qui souvent aiment jouer les barbares. Ça jamais tiré, mais ça joue les cowboys. C'est le nouveau western ou alterne, pédale et playboy. À qui est, j'ai poussé un premier cri. Toujours dans le même état d'esprit. Ce n'est pas que dans le besoin que je prie. La route est longue, mais faut pas qu'on reste aigri. Laisse-moi pousser mon dernier cri. Je les étrasse par mes écrits. Laisse-moi reprendre ce qu'ils m'ont pris. Gardons la tête haute malgré nos cœurs meurtris. À qui est, j'ai poussé un premier cri. Toujours dans le même état d'esprit. Ce n'est pas que dans le besoin que je prie. La route est longue, mais faut pas qu'on reste aigri. Laisse-moi pousser mon dernier cri. Je les étrasse par mes écrits. Laisse-moi reprendre ce qu'ils m'ont pris. Gardons la tête haute malgré nos cœurs meurtris.